vous souhaite un très bel après-midi. Il se poursuit avec Histoire vivante. Vacarme avec le Festival international du film de Genève du 2 au 10 novembre. Infotrafic RTS. Sur l'autoroute Lausanne-Genève, un bouchon s'étend entre Coppet et l'échangeur du Vengeron en direction de Genève suite à l'incendie d'un véhicule. La bande d'arrêt d'urgence est bloquée. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, du cinéphile au documentariste. Rencontre avec William Carell. Putting a man on the moon as part of a great national effort. Captain America, je suis très flatté que vous ayez pensé à moi. Nous sommes déterminés à reprendre notre pays. Nous allons remplir la promesse de Donald Trump. Les citoyens américains se préparent à accueillir leur nouveau président. Then it's time for new leadership for the United States of America. Et à votre gauche, voici maintenant les fameux bâtiments de Watergate. Il est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en jeu, excepté le premier amendement de la Constitution, les droits de l'homme, la liberté de la presse et peut-être même l'avenir des États-Unis. Et soudain, tous ces poids lourds de la politique se sont télescopés, comme des trains qui se percutent à toute vitesse. This is America, and we will not allow any terrorist to threaten civilization with weapons of mass murder. William Carell, on se retrouve pour cette troisième journée autour des hommes de la Maison Blanche, de CIA, guerre secrète, du travail que vous avez fait d'une façon globale pendant de nombreuses années autour de Washington et de ses différents bâtiments administratifs et du personnel qui les contiennent, à l'occasion de bien des films, puisque vous aviez fait au préalable Les Hommes de la Maison Blanche, qu'il y a eu également CIA, guerre secrète, tous ces documentaires obtiennent des prix, c'est pas la peine de faire la liste, ça vous ferait rougir. Également Le Monde selon Bush, qui certainement d'ailleurs auprès du grand public a été celui qui vous a lancé sur la voie de la célébrité, puisque vous en êtes maintenant à signer des autographes, me disiez-vous, hors micro, dans la rue, quand vous vous présentez un festival. Mais on va revenir, si vous le voulez bien, à ce travail dans Les Hommes de la Maison Blanche. Alors là, je vais énumérer une liste, pardonnez-moi, elle est un peu longue, mais je la fais un peu plus courte. Vous allez avoir l'extraordinaire privilège ou chance ou intelligence de réunir devant votre caméra, tour à tour, des gens comme Schlesinger, Theodor Sorensen, Ben Bradley, dont les gens se souviennent peut-être qu'il a été rédacteur en chef du Washington Post, mais les gens le savent peut-être moins aussi, conseiller du président Kennedy, Richard Helms de la CIA, Robert McNamara également Kennedy, Alexander Haig qui va faire des quantités d'administration pendant de longues années, William Kent, c'est NSC, Kissinger, alors ça c'est à peu près connu pour tout le monde. Bon, la liste est interminable, donc je vais pas vous la donner maintenant. Alors ce qui est assez passionnant, c'est que chez tous ces hommes de la Maison Blanche, derrière leur fonction, il y a également un personnage. On est presque comme au théâtre. L'un sera langue de vipère, l'autre va être d'un humour plutôt flegmatique, l'autre sera un faux naïf. Alors, si vous voulez bien, je vais vous donner les noms, puis de mémoire peut-être comme ça, vous allez me dire un petit peu dans quelle catégorie de la commedia dell'arte vous pourriez peut-être le classer. Par exemple, Arthur Schlesinger. Lorsque John Kennedy m'a demandé d'être un de ses conseillers personnels, je lui ai dit, pour un historien, c'est une occasion unique, vivre l'histoire en train de s'écrire. J'accepte, mais je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je vais pouvoir faire en tant qu'assistant personnel. Il m'a répondu, moi-même, je ne sais même pas ce que je vais faire en tant que président. Alors on va déjà dire, il faisait quoi Arthur Schlesinger? Il a fait beaucoup et longtemps. Arthur, c'était le conseiller de Kennedy. Voilà. Oui. Alors lui, il est... Il est conseiller personnel du président. Et alors, vous le classez dans quelle catégorie de comédia dell'arte? C'est plutôt un tendre Plutôt un gentil. Un gentil. Oui. D'accord. Et l'autre Schlesinger, plutôt l'anglais. Il est mort depuis. L'autre Schlesinger, oui. Qui a souvent comploté, mais il a une attitude plutôt très honnête au moment du Watergate. Parce qu'il a refusé, il était directeur de la CIA presque par accident pendant 3 mois. Il a refusé de donner un dossier compromettant. Donc il s'est... Il s'est racheté. Alors, Theodor Sorensen. Mon rôle ne consistait pas seulement à le conseiller sur les problèmes politiques ou les questions de fond, mais aussi à l'aider à mieux formuler, structurer ses discours et ses notes. Writings, messages. And so, my fellow American, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Je n'ai jamais prétendu être l'auteur de tous les discours de John Fitzgerald Kennedy. Je l'aidais simplement à les mettre en forme. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Lui, il était dans quelle administration? Il y faisait quoi? Il écrivait les discours de Kennedy et à un moment, j'ai eu une telle passion pour lui parce que non seulement il écrivait les discours de Kennedy, mais il écrivait la plupart des discours. Je voulais faire un film d'une heure. Personne n'a voulu Arte, mais, et France 2 m'ont dit que c'était un inconnu. Il, sur les mots de Sorensen? Non seulement, oui, sur les mots, sur son talent, il est connu. C'est lui qui a eu l'idée, et il racontait dans le film, sur le Ich bin ein Berliner, là, de Kennedy, qui, où d'ailleurs il disait qu'il s'était trompé. On doit pas dire Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner, ça veut dire je suis une saucisse, comme une saucisse de Francfort. C'était, Ich bin ein, je sais plus quoi, de Berlin. Et il s'est trompé. Kennedy et Sorensen étaient catastrophés. Et il a trouvé, surtout au moment de l'investiture, ne demandez pas ce que vous pouvez faire pour votre pays. Mais Sorensen a aidé Martin Luther King à écrire le « J'ai fait un rêve ». Et surtout, c'est lui qui a donné la fameuse note de « Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité ». Et plein d'autres. Je me suis dit, ça vaut la peine de faire un film d'une heure sur ce type qui a laissé des... Et personne n'a été convaincu? Non. Parce que vous pouviez aussi vous tourner vers lui pour qu'il participe à l'écriture d'une de vos fictions, comme mot d'auteur. C'est un audiard de qualité, celui-ci. Exactement. J'aurais dû, en fin de compte, louer une caméra, aller le faire. Je lui ai envoyé un mot tous les ans, lui disant, j'ai essayé de convaincre les chaînes, on va venir le faire, on ne l'a pas fait. Je n'étais pas conseiller de Kennedy. J'étais une sorte de caisse de résonance. Il testait sur moi ses idées. Mais je n'ai jamais été son conseiller dans le sens où on l'entend. Ben Bradley, lui, donc, a été conseiller de Kennedy. Quand on dit conseiller, il a été plutôt caisse de résonance, comme vous dites, William Carell, dans votre documentaire Les Hommes de la Maison Blanche. Et il a été surtout, ça, sans doute les gens s'en rappellent, rédacteur en chef du Washington Post, principalement à l'époque de l'affaire du Watergate. Alors, Ben Bradley, vous en feriez quelle catégorie? Faux naïf? Non, moi j'adore ce... Je le mettrais comme Lucky Luke, si vous voulez, un justicier. C'est pas un tendre, hein. C'est comment? Quand même... Non, c'est pas du tendre. Tout. Mais il a quand même fait tomber, même si c'est Woodward et Bernstein. Les deux journalistes. Il a fait tomber dans les suppléments DVD. Donc, il y a un long entretien avec Ben Bradley où il raconte des années après. Nixon, juste un peu avant de mourir, lui a téléphoné un dimanche matin chez lui pour lui rappeler le bon vieux temps au moment où il avait fait tomber. Et Ben Bradley raconte ça très bien. Vous verrez, il a son petit-fils qui a 8 ans, ils sont en train de déjeuner un dimanche et il vient en courant avec le téléphone et il lui dit « C'est Richard Nixon. » « C'est Dick. » Ouais, exactement. Et Nixon lui dit « Ah, vous vous souvenez ? » C'est très bien, moi je ne l'ai pas raconté, mais Ben Bradley raconte très bien. Pas d'amertume ? Pas du tout. Alors, on va continuer d'éplucher la liste. Là, j'ai également un sous-directeur de la CIA, Richard Helms. Le 11 septembre 1973, un coup d'état militaire dirigé par le général Pinochet, avec l'aide de la CIA, renverse le gouvernement. Le corps du président Allende sera retrouvé dans les décombres du palais présidentiel, investi par l'armée. La demande était simple. Le président des États-Unis ne voulait pas qu'Allende devienne président du Chili. Point final. Non, lui, le directeur, il a été. Il était directeur, pardon. Oui, il a sûrement été sous-directeur. Il est rugueux, lui. Alors moi, j'ai noté rugueux. Très, très. Oui. Mais moi, de film en film, je suis allé le voir. Lui, au moins, je l'ai vu du début. Ça remonte peut-être au tout début de la Maison Blanche. C'est quand même Richard Helms, directeur de la CIA. Il a tout connu, tout vu. Il faut situer à peu près la période. Il y est de quand à quand, à ce poste-là de la CIA, à peu de choses près. Disons au moins 8 ans, à partir de la crise des missiles. À partir de 63, donc voilà, de 62, donc 63. Jusqu'à la fin de Nixon, jusqu'au départ et l'arrivée de... Il reste avec Johnson. Oui, il a couvert. Il croise quelques dossiers, quoi. Beaucoup. Et surtout, moi, il m'intéressait dès le début parce que tout le monde sait que c'est lui qui a évidemment renversé Allende et poussé Pinochet au pouvoir. Et donc, la première fois, c'est ça qui est étonnant. On le retrouve de film en film. Dans le premier film, il esquive les questions. Je suis revenu 20 fois à la charge. Aux États-Unis, il ne se fasse jamais. Vous pouvez, contrairement en France, où si un journaliste revient à la charge avec une question, j'ai insisté vraiment 20 fois, sauf une fois, j'ai posé une question sur l'assassinat d'Olof Palme, et le type a quitté la pièce, mais... Mais Helms est donc... Pardonnez, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais vous avez posé cette question à qui ? Au responsable de la CIA à qui tous les journaux attribuaient l'assassinat de Olaf Palme. Oui, et ça lui a pas plu, donc. Pas du tout. D'accord. Et donc, Richard Helms, il ne voulait jamais dire comment s'était passée l'élimination d'Allende. Et je savais que c'est Nixon qui lui avait demandé. Quand j'ai fait le deuxième film, ça c'était sur les hommes de la Maison Blanche. 3 ans après où j'ai fait la CIA, je suis revenu, on a parlé un peu de tout, je suis revenu sur l'assassinat d'Allende. Il était déjà vraiment fatigué, malade. Sa femme a dit, je suis pas sûr qu'il va vous recevoir. Et donc on a fait l'entretien, il était très faible, il a dit qu'il ne racontait pas, que ça était une histoire privée, qu'il avait rien à raconter. Et nous, on est resté 40 jours à Washington pour tourner. Et un matin, sa femme m'a téléphoné et m'a dit passer, il voudrait parler comme une confession. Donc je suis arrivé, il était vraiment mal en point. Et puis, on a mis la caméra et il a commencé, il a dit Nixon est passé sur près de mon bureau, il y avait un bout de papier et il y avait écrit dessus, vous allez me débarrasser d'Allende, des trucs comme ça. Il a commencé à raconter l'histoire. Moi, j'étais évidemment enchanté. Ça, c'était donc un mardi. Sa femme a été charmante. On est parti. J'ai envoyé des fleurs le lendemain à sa femme pour la remercier. Il est mort le jeudi. Les fleurs sont arrivées pour l'enterrement. Donc, c'était une histoire assez tragique. En 1976, les auditions des directeurs de la CIA devant les commissions sénatoriales Church et Pike vont bouleverser les Américains. C'est au tour de Richard Helms d'être appelé à la barre. Il n'avait jamais dit un mot en public, jamais accordé le moindre entretien. Le Washington Post écrit « Helms, déposant sous serment, a souvent été proche du parjure. Responsable des écoutes téléphoniques, il a eu le temps de détruire tous les dossiers avant son départ de la CIA en 73. » Mr. Helms, in that answer, you used a vague term. Let's try and clarify it. You say you told him about this operation. Well, I thought so, but maybe I wasn't specific enough about it. I don't know. He's the one who used to lie. Il avait l'habitude de mentir au président, de mentir au Congrès, de faire comme si rien ne pouvait l'atteindre. C'est un héros à la CIA. Il était très fort. Very good. Vous êtes posé la question parfois, William Carell, de vous dire, voilà, à travers d'une anecdote comme celle que vous venez de nous raconter, relative à Richard Helms, qu'est-ce qui fait que pendant un certain temps, la langue est prisonnière, par la fonction sans doute, et puis comme ça peut-être parce que l'humain réapparaît et qu'il sent sa fin arriver, qu'est-ce qui fait qu'à un moment le pas est franchi dans un cas comme celui-là, ouais, vous avez... Et qu'il a venu de finir d'écrire ses mémoires, que ça allait être publié juste après sa mort, où il raconterait tout. Effectivement, il racontait, mais c'est passé totalement inaperçu. C'est ça qui est étonnant, ça n'intéresse. Le grand problème en faisant ce genre de film, c'est de se demander est-ce que ça intéresse encore quelqu'un, Allende et Pinochet. Henry Kissinger, professeur de sciences politiques à Harvard, est nommé conseiller personnel du président. Il a émigré aux États-Unis en 1938 pour fuir les persécutions antisémites des nazis. Il va façonner la politique étrangère des États-Unis avec le seul titre de conseiller exécutif du NSC. Les gens pensent que j'ai mis au point toute une stratégie pour être conseiller à la sécurité nationale et devenir un homme public. Mais en réalité, je ne connaissais même pas Nixon quand il m'a appelé. Lorsqu'il m'a proposé ce poste, j'ai eu l'incroyable insolence de lui dire « J'aimerais que vous me laissiez une semaine pour en parler avec mes amis. Je ne voudrais pas les perdre s'ils apprenaient que je vais travailler avec vous. » C'est tout à l'honneur de Nixon de ne pas m'avoir prié de disparaître ce jour-là. William Carell, on vient d'entendre un nouvel extrait des Hommes de la Maison Blanche. Alors, on avait fait comme ça un petit déroulant des différents personnages. Mais je voudrais bien avoir encore un ou deux, on va pas faire toute l'émission là-dessus, pour que vous nous racontiez, vous qui les avez un peu approchés de plus près, la nature des personnages. Et il y en a quand même un qui est peut-être le plus célèbre d'entre tous, tout au moins jusqu'à un certain temps, c'est évidemment Kissinger. Alors ce Kissinger, de près, c'est qui, c'est quoi? Est-il aussi fidèle à l'image qu'il donne de lui, avec toute l'intelligence, mais également l'arrogance dont il est capable, un ego formidable? Devient-il, au fond, comme tous les autres, un homme de plus de la Maison-Blanche quand il est en face de vous? Peut-être un peu plus, à cause de sa notoriété. Ben, à la Maison-Blanche, il faisait, sous Nixon, il faisait la pluie et le beau temps, même si Nixon le méprisait tout le temps. Et quand on a après retrouvé les transcriptions, les petits mots que faisait passer Nixon, il ne l'a jamais appelé Kissinger, il appelait le juif et des trucs... effarant, il le méprisait, mais effectivement c'était son conseiller numéro un, y compris c'est lui qui a tout arrangé pour le rapprochement avec la Chine, le premier voyage avec la rencontre avec Mao, il avait vraiment les pleins pouvoirs. Et Quint dit dans le film que c'était un type extrêmement intelligent et brillant. Si on lui demandait, il pouvait aller faire une conférence, il raconte à un moment, il devait faire une conférence d'une heure et demie sur un sujet dont il savait même pas un mot. On lui a donné un mémo d'une page et demie, il a développé pendant une heure et demie après en partant de trois notes. Il était extrêmement brillant. Richard Nixon avait une extraordinaire qualité. Il détestait rencontrer de nouvelles têtes et ne supportait pas d'échanger des idées avec des gens qui pouvaient être en désaccord avec lui. C'est pour cette raison qu'il a réduit son cercle de conseillers à un tout petit groupe. Et s'est servi de moi comme intermédiaire pour faire pratiquement son travail à sa place. Quand vous venez vers quelqu'un comme ça, est-ce que vous avez des questions extrêmement précises au départ? Est-ce qu'il vous a demandé d'être au courant des questions auparavant? Est-ce que on vous laisse, vous sentez que un type comme ça vous laisse aussi une liberté d'approche et puis lui sera assez grand pour sanctionner le cas échéant la question? Comment pratiquement ça se fait ça? Très rarement les gens, en tout cas les questions, et on les donnerait pas de toute façon, ils peuvent à la limite vous demander, toujours le prétexte c'est pour se rafraîchir la mémoire, dites-nous en gros de quoi on va parler, mais ça ne va pas au-delà. Et quant aux questions qu'on pose, il faut pas hésiter à, je sais pas, je donne pas de leçons, hein, mais à paraître exactement comme si vous ne connaissiez rien. Moi quand je débarque, même si j'ai lu ce qu'ils ont écrit et je connais à fond le sujet, je peux arriver chez Kissinger. Sinon, à ce moment-là, si vous connaissez tout au départ, d'abord, ça les intéresse pas. Si vous faites des questions qui englobent en même temps les réponses et pour montrer que vous connaissez tout et que vous êtes brillant, ou que vous leur coupez la parole pour montrer que vous savez la suite de la phrase qu'il va vous dire, ça n'a strictement aucun intérêt. Si vous acceptez de passer pour un idiot de base, de connaissant strictement rien, d'aller voir si vous avez un entretien avec Bush et que vous lui dites « pardon, quelle est votre profession ?» ou un truc comme ça, je pense que c'est beaucoup mieux. Je pense qu'il faut pas hésiter à ne rien connaître. Si on part du principe que le téléspectateur doit découvrir, ça n'a aucun intérêt, il ne suivra jamais. Moi, on m'a souvent reproché de faire des films didactiques, c'est l'insulte suprême dans ce métier. C'est vrai que ça peut ne pas être très agréable, même. Ou disons. Parce que ce n'est pas que ça. Non, mais je pourrais jamais faire un film hermétique que vous pourrez pas suivre si vous n'avez pas fait Sciences Po. Ce qui m'intéresse, c'est de rester, je veux pas dire faire des films simplistes, mais au moins, j'ai remarqué, je vais des fois dans des lycées et ou dans des écoles même avec des gamins de 12, 13 ans, ils peuvent suivre un film et ça leur semble clair. Par exemple, selon vous, homme de la Maison Blanche, d'ailleurs ça a peut-être déjà eu lieu, oui. Un 14-15 ans... Moi je pense que oui, oui. En tout cas plus que d'autres films beaucoup plus hermétiques. C'est ce que vous posez comme question qui permettrait à des gens, ou qui a déjà permis à des gens adolescents ou grands adolescents de suivre ce type de récit qui n'est pas a priori fait pour eux. Oui, des fois j'hésite pas, même si sur une même réponse, de prendre chez un témoin deux réponses qui sont presque identiques mais qui éclairent un tout petit peu plus. J'hésite pas à répéter pour que ça soit fluide, simple. Je sais que c'est un défaut, mais... Non, pourquoi un défaut? Je sais pas. Cette obsession de vouloir faire simple, clair, est pas compliqué. C'est pas loin, il faut pas chercher très loin les raisons. C'est que moi, je ne connais rien en commençant un film. Je vous ai dit, pour des questions X, j'ai été obligé de quitter l'école avant le certificat d'études, à 10. Oui, votre amour des usines vous a tellement... À 10 ans, j'ai quitté l'école, donc je ne connais rien. D'être obligé de se cultiver, de devenir autodidacte, c'est une catastrophe, parce que ça, même si vous étiez, j'ai une soif d'apprendre et de préparer de mes sujets, parce que je ne connais rien, mais vous avez des pans entiers qui manquent dans votre culture, il y a des blocs entiers qui, et j'aurais beau ouvrir des livres et lire, et je resterais imperméable, je peux m'ennuyer à mourir dans une exposition d'art moderne ou Tiens, justement, ça m'intéresse grandement. Je suis un petit cousin dans le domaine de la famille des autodidactes. Il m'est arrivé, je sais pas également pour vous, de m'endormir dans des bibliothèques, enfin pas complètement, mais enfin de vraiment de sentir une espèce de grande pesanteur et de somnolence, et du coup d'avoir eu beaucoup recours, notamment à la radio pour me nourrir, parce que voilà, ça passait par l'oreille, ça passait apparemment plus facilement que par l'œil. Vous-même, pour combler, et on n'y arrive jamais, vous venez de le dire, tous ces grands fossés qu'on peut avoir quand on a été construit comme on l'a été, vous avez été chercher dans quel puits? Vous ne donnez pas l'adresse forcément, mais vous pouvez nous dire un peu ce qu'il y avait au fond de ce puits? Non, dans les magasins, dans les librairies, je sais pas, au cinéma, puisque je vous ai dit que tout a commencé quand j'ai fait Monsieur Cinéma et j'ai gagné de quoi pouvoir être photographe. Le cinéma, je pense que j'ai... Tout ce qui m'a manqué comme culture à l'école et tout ça, je l'ai puisé en allant voir des films. Truffaut le raconte très très bien. Il découvre Stravinsky en écoutant Bernard Herrmann et en voyant des films. Ça vous donne envie de lire le livre. Et ça a été le point de départ. C'est le seul endroit où, la seule partie où je n'ai pas de complexe. Parce que je connais assez bien. Mais j'adore. Donc, comme moi, je ne comprends pas. Au départ, quand on me propose un sujet, ou Arte, ou n'importe, quand ils m'ont proposé le film sur le FMI, le FMI, pour moi, c'était pratiquement du chinois. Je sais que Woody Allen dit en riant qu'il connaissait rien en économie, qu'il avait fait des cours par correspondance, et la première leçon, c'était comment ranger l'argent dans son porte-monnaie. Moi, c'était à ce niveau, à peu près. Et donc, Arte, à ce moment-là, m'envoie une montagne de livres, et ils me disent, voilà, dans 2 mois, venez nous voir et on prépare le sujet. J'adore ça, un truc où je ne connaissais rien, et sur les États-Unis aussi, et j'aime bien. Je vais à l'école en faisant mes films. Ouais, il faut que vous ayez confiance dans votre instinct. C'est le cas? Oui. Il faut le dire vite, mais oui. Mais vous avez le droit de prolonger aussi, si oui. Non, je suis dit... Non, oui, j'ai confiance. Autre chose pour revenir à Kissinger, parce qu'on va pas rester trop longtemps sur vous. Kissinger, il s'est retrouvé avec quelques casseroles. Vous citiez Allende, il en a d'autres. Il y a même un certain Christopher Hitchens de mémoire qui avait écrit un bouquin un peu assassin sur Kissinger. Au moment où vous le rencontrez, est-ce qu'il a déjà ces casseroles-là? Est-ce que vous les abordez? Non, je l'ai rencontré après, sur le film que j'ai fait sur la comédie du pouvoir sur Giscard d'Estaing. J'ai rencontré Kissinger au Crayon à Paris, au moment des casseroles, où même il n'osait même pas sortir de l'hôtel parce qu'il pensait qu'un juge allait l'arrêter. Mais j'en ai pas parlé, pour moi c'était hors sujet. Est-ce que, précisément, dans un cas de figure comme celui-là, si ça devait se présenter, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, c'est même pas la peine d'aborder les choses, attendons plus tard, ou comment? Si j'en ai besoin dans le film, oui, j'attends pas, qu'est-ce que je risque? C'est déjà arrivé? D'aborder, d'avoir un refus net? Non, j'ai pas un refus, mais les gens peuvent mentir. J'ai rarement eu, je vous ai dit une fois, sur Olof Palme, où la personne s'est fâchée. Sur Kennedy, souvent, ça a toujours été une de mes obsessions. D'ailleurs, Richard Helms est parti avec... C'est lui qui avait été chargé de directeur de la CIA, donc. Oui, il a été chargé de mettre de côté les archives de l'assassinat de Kennedy. Alors, on va réentendre William Carell, un nouvel extrait de l'un de vos nombreux documentaires sur les hommes de la Maison Blanche, et puis on se retrouve tout de suite après. Eisenhower avait engagé comme ministre de la Défense le président de General Motors. Persuadé qu'un homme capable de diriger les dizaines de milliers d'hommes de la plus grande entreprise du pays serait un bon chef des armées. Kennedy trouve l'idée excellente et demande à ses conseillers « Quelle est la deuxième entreprise des États-Unis après General Motors ?»« Les automobiles Ford », lui répond Ben Bradley. Kennedy décroche son téléphone et demande au PDG de la société, Robert McNamara, de se joindre à son équipe et l'engage comme secrétaire d'État à la Défense. Il tenait à ce que je sois son ministre de la Défense. Je lui ai répété que je n'avais aucune qualification pour ce poste, mais que j'acceptais s'il me donnait carte blanche pour choisir seul qui je voulais parmi l'élite du pays, quelle que soit leur sympathie politique, et sans le moindre droit de regard de la Maison-Blanche. Je serais seul juge et pourrais nommer qui je voulais parmi ceux que j'appelais les meilleurs, les plus brillants. Il a accepté et a tenu parole. Je suis sorti de son bureau avec un sentiment de peur. Non, peur n'est pas le mot juste, une angoisse, c'est ça, oui. Le terrible poids d'une énorme responsabilité et cette unique question, est-ce que j'allais être à la hauteur ? William Carell, c'est un nouvel extrait des Hommes de la Maison Blanche que l'on vient d'entendre. J'ai noté qu'il y avait dans les caractères des différents conseillers de la Maison Blanche que vous avez interviewés pour cette série, il y avait au fond des grandes familles, il y avait ce qui est à moitié étonnant, il y a les intellos, il y a les pragmatiques, il y a les idéologues ou ceux qui ont plein d'idées extraordinaires. Alors des idéologues, on pourrait aller depuis quelqu'un comme Robert McNamara sous Kennedy jusqu'à Wolfowitz, plus dernièrement sous Bush. C'est-à-dire que la présence de l'idéologue, merveilleux ou plus bizarre, ça fait partie du décor de la Maison Blanche. Oui, moi j'ai toujours croisé, quel que soit le président, bien sûr. Une administration réussie, ça serait quoi ? Ça serait arriver à trouver l'équilibre entre un petit peu d'intello, mais pas trop, un peu d'idéologue, mais pas trop, un peu de pragmatique, mais pas trop ? Chez Kennedy, il y avait au moins les trois quarts qui étaient des intellos qui venaient, McNamara et toute la bande, malgré, même s'il était ministre de la Défense, qu'il a fait tout ce qu'il a fait au Vietnam. Ça dépend des présidents. Sous Johnson, quand il a remplacé Kennedy, il s'est débarrassé d'eux tout de suite, il ne supportait pas. Il a repris des conseillers beaucoup plus qu'il allait chercher au Pentagone. Ça dépend des présidents. Sous Clinton, c'est revenu et on a l'impression que une étape avec Kennedy est vraiment franchie. Vous le dites dans le documentaire. Il y a vraiment le moment où les conseillers vont avoir énormément d'importance. On va aller chercher des conseillers pas mal, notamment à l'extérieur du milieu politique habituel, et on va chercher, bah, selon la formule, les meilleurs, les plus brillants, enfin je sais plus exactement. Mais là, tout d'un coup, la nature même, le profil du conseiller change sous Kennedy. Le livre qu'a écrit justement les plus brillants d'entre eux, ce fameux dont j'ai oublié le titre en anglais, raconte très bien comment toute cette nouvelle vague de conseillers n'existait absolument pas, ni sous Truman, ni c'était... Il y avait un personnel administratif classique, au absolument, fond. Absolument, venant ou des écoles militaires, et ça a changé entièrement sous Kennedy. Mais ils se sont trompés aussi autant que les autres, y compris sur le Vietnam et tout ça, ils n'ont pas été plus... Ils étaient extrêmement brillants, mais McNamara a fait des dégâts énormes au Vietnam et... pas moins qu'un conseiller venant du Pentagone. Dès septembre 1964, à partir d'un incident plus ou moins fabriqué dans le golfe du Tonkin, Johnson et McNamara obtiennent carte blanche du Congrès, dans l'indifférence générale. Ainsi débute l'escalade. De 20 000 hommes, le corps expéditionnaire américain va passer à un demi-million en 67. En 3 ans, 3 millions de tonnes de bombes vont être déversées sur le Nord-Vietnam. 800 tonnes par jour, près de 2 fois la totalité des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Je ne veux pas attaquer McNamara. J'ai travaillé sous ses ordres. J'ai été son assistant personnel pendant près de 2 ans. Alexander Haig. Il avait de nombreuses qualités, mais certainement pas celles que l'on attend d'un stratège militaire. Il n'y comprenait strictement rien, comme d'ailleurs ses professeurs de Harvard, nos soi-disant experts à l'époque. Ça a été une période désastreuse pour l'Amérique, et nous avons fait de très nombreuses, de très graves erreurs d'appréciation. Demain, suite de cette évocation, nous retrouverons au micro d'Histoire vivante le réalisateur William Carell.